Très beau casting pour Alors on danse en salle demain. Un beau casting, on aimerait bien nous aussi dans cette émission, mais on n'a pas le choix aujourd'hui, c'est Guillermo Guise. Allez, ah, mon Guillermo. Comme ça, gratuit. Gratos. Ça va, les amigos? Oui. Salut. Ça va, super. Vous avez remarqué, j'ai pas encore parlé de la guerre en Ukraine. Non. Mais en gros, on n'a pas trop le droit quand on est au Conseil de défense. Je suis désolé. J'adorerais, mais je suis comme ça. Je le dis à Jean-Yves Le Drian. Je lui dis, GY, je te promets, je vais rien dévoiler de secret dans l'émission. Il m'a dit, Ernesto, je connais tes chroniques, ça va t'échapper avec ton amour du bon mot. En plus, tout nous porte à croire que vous avez un agent russe dans la bande originale. J'étais là, un agent russe? Il n'a pas voulu me dire qui. Il m'a juste dit, pense à quelqu'un qui s'habille comme en Union soviétique et qui a l'air heureux comme en Union soviétique. J'étais là, mais non. Au départ, je voyais quelqu'un d'autre. Par association d'idées, je pensais Poutine, nationaliste national, Rassemblement national, Marine Le Pen, Tanguy Pastureau. Ouais. Ça me semblait obvious. Mais non, GY, il m'a dit, non, demande-toi qui est capable de cacher des microfilms sur son propre visage. J'étais là, ah ouais. C'était pour ça la barre. Moi, je croyais que c'était juste pour conserver des miettes de sandwich en tant qu'Anka. En fait, non, le gars, il brouillait les pistes. Il brouillait depuis le début. Donc, jusqu'ici, j'ai pas trop parlé d'invasion russe aussi, parce qu'en politique internationale, j'ai zéro vista. Le Brexit, j'avais dit jamais. Trump, j'avais dit t'es ouf. Macron, j'avais dit mais c'est mal connaître les Français. Sérieux, je vois dans le futur comme Paco Rabanne. Sérieux, au Conseil de défense, ils m'appellent Paul le poulpe nul. Vraiment, ils m'ont dit tu penses quoi de la menace nucléaire? J'ai fait bah, c'est du bluff. Du coup, ils ont envoyé 2,5 millions de comprimés d'iode en Ukraine, au cas où. Et c'est un beau geste, ceci dit, ils vont envoyer du mercurochrome maintenant, tu vois, franchement, c'est sympa, quoi. Franchement, avec cette guerre, vous n'avez pas l'impression qu'on est dans la cour d'une école avec un petit CP qui se fait attaquer par un grand qui a déjà 70 poils aux gags et toute l'école qui se met... Bah toute l'école qui se met... Ouais, j'ai mis 700 tentes. Et toute l'école qui se met entre eux, on dit, vas-y, petit, te laisse pas faire, avec le petit qui fait, ouais, enfin, vous voulez pas juste m'aider? Et toute l'école qui fait, mais si, bien sûr, prends notre berlingot de lait. Vraiment, vous rappelez qu'on nous donnait du lait à l'école? 6 fois sur 10, il allait être tourné. C'est là, t'attendais 2 jours, c'était un yop. Vraiment, c'était la double peine, quoi. Bref, la France a fait un geste. Et je me suis demandé à quoi ça servait vraiment les comprimés d'iode. À quoi ça sert, en fait? Parce qu'honnêtement, en pharmacologie, le seul truc que je sais, c'est qu'il faut boire de l'eau quand tu prends de l'Exta. C'est le dealer de Leila qui m'a dit ça. Il fait des tutos, le dealer de Leila, sur le site de France Info. Et Leila, elle m'a dit, si tu veux de l'iode, je peux t'en procurer. Bah, super, elle va encore me prendre une com de 60%. C'est là, je préfère traiter en direct avec son dealer. Et il a tout, hein. L'autre fois, je voulais du LSD, 1 gramme de Keta et l'album de Félicien d'Astarac. Il a trouvé. Il a tout trouvé. Il a vraiment tout. Et donc, en plus, en Belgique, les comprimés d'iode, c'est gratuit à la pharmacie, je vous promets. Parce que chez nous, le risque, il est concret, quoi. C'est-à-dire que si une centrale nucléaire pète, il n'y a personne qui peut dire ça va, nous, on est loin. En fait, non, en Belgique, t'es jamais loin de rien, en fait. T'es toujours prêt. Le golf, c'est interdit chez nous. Tu frappes un peu fort, tu fais une Tchernobyl, quoi. Vraiment, tu vois. Il y a 30 000 Belges qui se sont procurés les comprimés d'iode. Moi, j'avoue que j'hésite à aller en chercher. Déjà parce que j'ai pas envie d'effrayer ma pharmacienne, quoi. Elle sait que je travaille avec Nagui. Et que Nagui et Poutine, c'est tic et tac, quoi. C'est sûr que si elle me voit réclamer mes pilules d'iode, elle va se dire ça y est, c'est imminent. Il a eu les infos par son patron. Et on en profite pour saluer Nagui qui nous écoute depuis le Kremlin. Hein, il négocie l'arrêt de la menace nucléaire contre l'arrêt de n'oubliez pas les paroles. Vraiment. Tu vas voir demain. À propos, vous avez vu que Poutine, il est tellement parano sur le Covid que pour avoir un entretien avec lui, il faut faire 14 jours de quarantaine, surveillé par des agents du FSB. C'est authentique. Quand t'arrives chez Poutine, tu te rappelles plus pourquoi tu voulais le voir. T'es là, monsieur le président, je vais demander. Je repasse en 14 jours. Donc en gros, les comprimés, ça sert à saturer la thyroïde en iode pour qu'elle rejette l'iode radioactive en cas d'accident nucléaire. Mais c'est très déconseillé d'en prendre préventivement parce qu'en fait, l'iode risque de déstabiliser ta thyroïde inutilement. Moi, de toute façon, le seul médicament que je prends préventivement, c'est de l'imodium, tu vois. Au cas où je vais manger à la cantine de France Inter. Là, les médecins, ils sont formels. C'est ça ou la dysenterie? Moi, je suis pas contre quelques kilos en moins, mais si vraiment il y a un endroit moins safe que la cantine d'Inter, c'est les toilettes d'Inter. Hein. Dans les toilettes d'Inter, il y a des bactéries qui ont tout vu. La réforme, la Saint-Barthélemy, vraiment, il y a tout. C'est des vieilles bactéries. Donc, ça sert à rien de se ruer sur ces comprimés. D'autant que ça n'a pas d'impact sur d'autres composants radioactifs et qu'en cas de vraie guerre nucléaire, ça protège moyen, quoi. Si on se fait prendre une bombe vraiment sur la tête, on pourra pas faire. Bien, allez, essayez, Vladimir. Tu l'as pas vu venir en petite pilule. Donc, on espère que Poutine n'ira pas dans cette direction-là et pour ça, on compte sur toi, Nagui. Allez, bonne émission. Guillermo, qui sera le 23 à Biarritz, à la gare du Midi. Enfin, s'il est encore vivant. En tant qu'orca, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de GY.